Boum boum. Boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Yeah! Ceci est une OPA. Ceci est une trahison. Oh, masqué. Ça fait 7 putains de mois qu'on n'a pas fait d'antenne, Jonas. Ah, ça me démangeait, putain. Et tu trolls mon introduction en envoyant la compagnie créole. Ça fait 6 mois que j'attends de faire cette blague, tu peux pas savoir. Ce bâtard. Je sais même pas quoi dire. Ah, allez, 2020, on finit en beauté, hein. J'espère que tous les auditeurs sont au taquet là. Ouais, écoute, démerde-toi, t'as niqué mon intro, donc je te laisse lancer l'émission, Jonas. Je dis plus rien. Je préfère vous prévenir, ça va être une fin de saison, de début de saison, pardon, et fin d'année dithyrambique. Parce qu'il faut bien se l'avouer, cette année à moitié pété, ben on va rattraper le coup. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous, compter sur Boum Momo. Vincent, comment tu comptes rattraper le coup? Quel genre de musique tu veux diffuser dans Boum Momo? Parce que c'est toi le DJ désormais. Eh ben écoute, je vais passer le vinyle de gauche, je sais pas ce que c'est. Bon, je me permets de reprendre la main sur l'identité artistique de cette émission. Et je me permets surtout de faire un grand... Musique française curieuse, après 7 mois d'interruption, on est de retour masqué, malheureusement, ça s'en sans doute un peu. Quand on parle, on est de retour masqué, mais on est bien de retour dans les studios de Prune pour une 7e putain de saison de musique française curieuse. Ça fait trop plaisir, Jonas. Je vois que tu es en pleine forme et nos auditeurs ont pu le constater également avec cette petite opération Compagnie Créole. Je précise que je n'étais absolument pas au courant de ce que tu allais faire. Ça n'a pas été drôle sinon. Et Yanis, qui est entre le troisième membre de l'émission et notre invité préféré, puisqu'il vient avec cette carte de Joker, devrait pas tarder à nous rejoindre. Il avait dit 22h05. Ça pour faire des économies, c'est honteux. Exactement, il ne veut pas payer sa cotisation, mais il va se prendre des tacles à chaque fois qu'il viendra, notamment de ce soir. Yanis, si tu es dans ta voiture et que tu nous entends, sors le carnet de chèques parce que va falloir payer. Je pense qu'on va prendre des pressions dans tous les sens. Bon, il y a un paquet de temps qui est passé depuis notre dernière émission. C'était fin février ou début mars. On ne va pas rappeler le contexte qui a fait qu'on a été hyper longtemps éloigné de l'antenne. On est hyper content de reprendre, toujours avec le même concept, donc tous les mercredis, hors vacances scolaires, une heure de musique française curieuse. À l'origine, on disait musique française des années 60, 70 et 80. On a un peu décalé dans les années 90, dans les années 2000 et même dans les années 2010. Et puis, on a carrément décalé dans la curiosité, dans les déviances et dans les métissages en tout genre. Du coup, maintenant, Boum Bomo, c'est l'émission de Prune des musiques françaises curieuses. On va recevoir plein de diggers. C'est quoi un digger? C'est quelqu'un qui creuse, quelqu'un qui cherche de la musique et quelqu'un qui trouve de la musique. Des diggers, des digueuses, des DJ. Il va y en avoir plein. Le programme pour la fin de l'année est déjà bouclé. Je ne vais pas dévoiler tous les noms. On va recevoir plein de super DJ nantais. D'autres qui viennent de Paris, d'autres qui viennent d'un peu plus loin. On va recevoir des mix MP3. Bubble Jam est plus là, l'émission d'avant, pour se moquer de nous, donc on va pouvoir se faire plaisir en termes de MP3. Yes. J'en profite pour faire un petit coucou à Bubble Jam qui nous a abandonnés, et j'en profite pour faire un gros bisou à Trafic d'Influence. Yes. On aura l'occasion de leur faire d'autres coucous plus tard dans la saison, mais une nouvelle émission qui nous précède sur la grille de Prune. Vous êtes au courant si vous étiez à l'antenne. Pour cette première émission, pas de DJ, ou du moins pas de DJ invité. Je vais me charger de passer de la musique. Yanis, en théorie, est venu avec quelques trucs aussi. Et pour ne pas trop le vexer, tout en faisant honneur à mes nouvelles influences, quand même 13 années 90, je vais passer un morceau de 1990. C'est une cover de « J'ai la mémoire qui flanche » de Jeanne Moreau. Je l'ai mis à moins 8, ça donne un truc encore plus down-tempo et totalement mystique. La chanteuse s'appelle Eta D. C'est le premier morceau de la 7e saison de Boum Bomo. J'ai la mémoire qui flanche. Jonas, c'est parti. Mmh.

menteur, la folie. Thank you. Bumbomo, 7ème saison, on vient d'écouter Bandolero, Rêve Noir. Juste avant, c'était Fred de Fred, Enfancillage. Et encore avant, le tout premier morceau de la saison, bah évidemment, il y a eu un craquage technique, hein, c'est de ma faute, j'avais pas monté le gain. C'était État D, j'ai la mémoire qui flanche. On corrigera ça sur le podcast, donc si vous nous écoutez en direct, vous avez entendu. Si vous nous écoutez en podcast, c'est-à-dire au mois de novembre, vu que les podcasts du mois d'octobre ne seront pas sur le site de Prune tout de suite, on est en train de changer de site. Eh bien, ben, tant mieux pour vous, vous n'entendrez pas le bug. Jonas, c'est quoi cette voix que j'ai cru entendre dans mon oreille? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est rentré dans la partie animation? Ben, c'est pas possible, puisqu'on n'est que deux à avoir payé notre cotise à Bumbomo cette saison. Donc, à moins qu'on ait un invité. Mais monsieur, qui êtes-vous? Un intervenant ponctuel. Un intervenant ponctuel, qui est là dès la première émission. Ouais, bah quand même. On dit quoi au bureau de Prune? Bonjour. Oui, et après, comment on justifie que tu es un invité ponctuel et que tu viens de la première émission? J'ai touché un héritage, je vais faire une donation là. C'est vrai? Normalement, plus personne ne me fera chier. Yeah. Ouais. Alors, tu donnes à Bumbomo ou tu donnes à Prune? Bah, 75% Bumbomo, 25% Prune. Ah, bah, très bien. Okay, bah, on ferme nos gueules. On ferme nos gueules. Bienvenue dans l'émission, Yanis. Salut les gars. En tant qu'invité, comment ça va depuis tout ce temps? Eh bah, ouais, ça faisait très très très longtemps. C'est quand la dernière émission, les gars? Fin février ou tout début mars, ouais, je crois. C'est ça, forcément. Tout début mars, ouais. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Bah, grave. C'est chouette. J'ai pris studio en photo quand je suis arrivé. Ouais, c'est un peu bizarre de se parler masqué dans le studio. Ouais. Mais bon, voilà, on va faire avec quoi. Ouais, grave. Eh ben, on n'a pas trop le choix. Est-ce que t'as entendu? Tu nous as entendu? T'étais en voiture? T'étais sur la route? j'ai entendu les deux premiers morceaux avant que vous me laissiez comme un crevard 5 minutes en bas. Ah, ben on est venu dès qu'on seul, a pu. Personne venait m'ouvrir. Mais oui, j'ai entendu les deux premiers morceaux. J'ai bien aimé le morceau d'État D là. Alors, Le tempo était vraiment. Oui, voilà. Dense. Je l'ai pitché un peu. Voilà. Alors, quand ce que tu dis, deux premiers morceaux, tu inclus le morceau de la Compagnie Créole que Jonas a. Non, mais c'était pas la Compagnie Créole, c'était la playlist, donc c'était moitié de. Ah oui, rap, donc c'est quand il y a eu le petit bug. Mais t'as entendu l'introduction de l'émission ou non? Tu n'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ah bon, on va régler notre linge sale, on va laver nos masques sales en famille. Très bien. Une fois qu'on aura mis un peu de musique, on reviendra sur le cas Jonas juste après. J'envoie un disque, je sais plus ce que j'ai calé. Faut que tu mettes Jonas. Si, Docteur Fabrice. Oui, je fais Docteur un effort. Docteur Fabrice. Étant donné que je joue beaucoup de morceaux des années 90, c'est ma nouvelle marotte, je fais quand même un effort. Je m'ouvre à d'autres styles et je joue un reggae pour cette première émission. Oh, ouais. Carton jaune. Bon, non. On n'est pas sur un reggae, on est sur une espèce de reggae boogie un peu digital. Tu vas me dire si tu aimes. Je joue la version instrumentale parce qu'avec les paroles, c'est un peu moins cool. Ça s'appelle Docteur Fabrice Toubab. Comme le reggae français en général. Et puis Yanis, après, t'as amené quelques morceaux, donc je vais pouvoir passer à la main. Je ne suis pas tout seul ce soir. Docteur Fabrice Toubab, c'est la saison 7 de Bumbomo. On est sur Prune 92 FM. Thank you. not sure. Morcilla, entrecôte, dry tip, les jaunes. C'est la classe, ce petit morceau de Mike Patton avec Jean-Claude Vanier. Une belle histoire, Vincent. Bah, raconte-la cette histoire, Yannis, en fait, parce que ce sont tes disques. Ouais, faut que je creuse, je sais pas. Là, on vient d'écouter Jean-Claude Vanier, Mike Patton, c'est Corpse Flower, c'est le titre de l'album éponyme. On reconnaît bien la touche Jean-Claude Vanier, sur un disque de Gainsbourg. Carrément. Et c'est incroyable parce qu'en fait, je suis fan de Mike Patton. C'est un mec qui a fait un album magnifique qui s'appelle Love Age. Avec Dandy Automator, que les amateurs de rap connaissent bien, et Jennifer Charles, la chanteuse des Legion Fields, qui est vraiment un de mes albums de chevet. Mike Patton, qui était aussi le chanteur de Faith No More pour les amateurs de gros rock qui tâchent. Voilà, qui a une voix assez incroyable, caverneuse. Et voilà, il est fan de Gainsbourg depuis des années. Son album Love Age, justement, c'est une reprise un petit peu. Enfin, la couverture, c'est il est à une table avec un bouquet de roses, comme sur le premier album de Gainsbourg. Et voilà, il a toujours été fan et apparemment ils se sont rencontrés avec Vanier à une convention sur Gainsbourg aux États-Unis. Ils ont échangé par mail des instrus, des propositions de voix et tout. Et ça a donné cet album, Corpse Flower, qui est sorti il y a 8-10 mois. Je suis complètement passé à côté. Et voilà, on me l'a offert cet été. C'est un très très des gens qui me connaissent bien. Et c'est un très beau disque qu'il faut aller écouter. Juste avant, on a écouté un extrait de La Planète Bleue de Goraguer, un grand classique. Mais voilà, on avait peut-être bien jamais passé dans Boom Bomo. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Et voilà, donc on était ambiance gainsbourgienne à souhait. Ces deux morceaux Goraguer Vanier. C'est dommage ce disque de Vanier qu'on va devoir mettre à la poubelle à cause de la petite rayure qui fait crac ouais, à chaque morceau. C'est dommage. Qui peut des fois donner le charme, mais c'est juste sur ce morceau-là en plus. Hein. Si vous êtes bénévole à Prune, venez le récupérer le disque demain à la poubelle. Et il y aura peut-être la main de Yannis, car c'est la nouvelle règle dans Boom Bomo, un disque qui craque, une main coupée. Donc voilà. Yannis, on inaugure, on rigole plus, hein, 7e saison, un peu pour de professionnalisme. Les MP3, pour les MP3, c'est quoi la règle? Alors voilà, alors nous on a passé, Yannis, sans déconner, 7 mois à faire des choses bien, à creuser de la musique, à s'occuper de nos familles. J'imagine que t'as encore fait 3 enfants, toi, pendant bien ce temps-là. Bien sûr. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a bricolé. Alors combien d'ordinateurs t'as bricolé, Jonas, depuis 7 mois? 4-5. Non, sans déconner. Raconte-nous ce que tu as fait depuis le mois de février. Non. Les auditeurs de Boom Boom veulent savoir. Non, ils veulent pas savoir, ils veulent écouter de la musique, je pense. C'est beaucoup plus intéressant. Tu n'as plus d'existence en ligne, plus de compte Facebook, on ne te voit plus que sur Twitter maintenant, et encore, faut-il être anglophone. Raconte-nous un peu ce que tu as fait depuis tout ce temps hors antenne. Comme je te dis, je pense pas que c'est très intéressant, et surtout quand je me tourne et que je vois cette pochette de disque Musique à danser en Poitou, Charente, Vendée, donc je pense qu'il y a quelque chose à raconter et peut-être à... Et bah ouais, il y a plein de trucs à raconter. c'est une super transition. Si tu fais bien de me lancer là-dessus, c'est pas du tout professionnel, voulu, monsieur. C'est carrément trop. Et puis la police nous écoute, Jonas peut pas trop se raconter non plus. Voilà. Exactement. Ce serait dommage de se faire priver d'antenne pour quelques grossièretés. Non, moi j'ai fait plein de trucs. J'ai évidemment continué d'acheter plein de disques pendant cette longue période sans antenne. J'ai écumé les vide-greniers, pas trop parce que c'était une espèce en voie de disparition. Mais les dépôts ventes, et puis j'ai fait un peu la fête aussi, notamment cet été où il y avait encore le droit de danser un tout petit peu, et je me suis retrouvé notamment à une petite fête où j'ai assisté à un DJ set qui m'a bien remué le cerveau, un DJ set de Vincent Privat. Vincent Privat, c'est un DJ de Paris qui est originaire du sud de la France, d'Occitanie très exactement, et qui est disquaire aussi chez Dishonored, un super magasin de disques à Paris. Et Vincent Privat, au beau milieu d'une teuf plus ou moins électronique quand même, il a fait un set de 2 heures de musique folklorique traditionnelle d'Occitanie. Oh. Il y avait quelques trucs bretons, quelques trucs scandinaves, mais la plupart de ses morceaux en vinyle étaient du folk traditionnel occitan. J'étais hyper perplexe sur la démarche au début. Je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont danser? J'ai été perplexe pendant 3 minutes, puis j'ai dansé 1h57. Ça m'a retourné le cerveau. Et du coup, de retour à Nantes, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement que les autres années à la musique de Bretagne, à la musique de Vendée, à la musique de Poitou-Charentes, puisque si c'est pas les DJ de Nantes et du coin qui le font, personne ne va le faire. Exact. Donc j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je lui redirai merci Vincent Privat de m'avoir fait déguster cette sélection assez incroyable sur la zone disco autonome mi-juillet dans le sud de la France. Et puis moi, tout gentiment, tout poliment, tout modestement, ça me permet d'ouvrir ma curiosité et de m'orienter vers plein d'autres disques. Les années 60, 70, 80, j'ai bien rincé ces dernières années. Les années 90, je commence à avoir quelques belles références aussi. En revanche, la musique bretonne, la musique de Poitou-Charentes, la musique de Vendée, je découvre avec beaucoup d'appétit et de curiosité. On va écouter 3 tracks. Le premier, c'est un morceau d'Anne Christ qui s'appelle « Par la rue haute d'abord ». Je fais un petit bisou à mon pote Alexis Pauline qui va pas tarder à revenir faire une sélection dans l'émission et qui nous l'avait joué ce track il y a 5 ou 6 ans. Sauf que j'avais pas du tout les oreilles prêtes à ce genre de vibration. On écoute Anne Christ par la rue haute d'abord et puis j'enchaînerai par un track breton et un track de Poitou-Charentes. Elle est passée par la rue haute d'abord. Elle est passée par la rue haute d'abord. Et un nuage s'est crevé, un nuage a pleuré très fort. C'est tout ce dont on se souvienne encore. C'est tout ce dont on se souvienne encore. Traînait à vide dans la rue comme une bulle bleue perdue dehors. A dû atteindre les lumières du port. A dû atteindre les lumières du port. Un nuage s'est déroulé comme une femme apaisée qui dort. C'est tout ce dont on se souvienne encore. C'est tout ce dont on se souvienne encore. Se ferme un cormoran déchu comme un sentiment vrai perdu dehors. Il n'y a plus de bateau pour le nord. Noël éclaire les tours carrées du fort. Et un nuage insulté par la guirlande électrifiée se tord. C'est tout ce dont on se souvienne encore. C'est tout ce dont on se souvienne encore. Nous qui vivons sous l'entonnoir, le ciel verse par les remparts sa mort. Il a dit elle n'ira plus loin encore. Il a dit elle n'ira pas loin d'abord. On ne peut dans ce bout du monde aller plus loin qu'au froid de l'onde qui mord. Il a dit ça, je m'en souviens encore. Il a cru ça, on s'en souvient encore. Eh bien, il n'avait pas raison, les voyageurs des fuites sont très forts. On a eu beau fouiller les cargos morts jusqu'à l'horizon et ses contreforts. On a ramené un supplice de ce Noël, de ce solstice d'hiver. Elle a dû couper dans la nuit une faille à sa taille enduite d'or. Depuis persiste un vide dans nos maisons et son ombre ricoche sous nos fronts. Je suis encore un peu futile quand je caresse un nuage, il me mord. L'absence est-elle une question fidèle? Peut-être elle a pris la corde du ciel. Je jette un nez dans l'étouffoir, je sens qu'il ferme son armoire. Oh, je voudrais m'évaporer. arrête, y'a qu'à cette arrête, puis d'une maman, pétrarée, n'y courant, maîtrise à une dentelle, plonge le galant. Ajasson, valse d'Ajasson. On était tout au fond de la Vendée. J'ai vu vos regards moqueurs. Yanis, j'ai l'habitude. Jonas, je suis un peu plus surpris. J'assume, je revendique. J'adore cette influence. Je suis déjà et je vais continuer d'être hyper fier de creuser dans cette direction et de défendre le patrimoine folklorique local de nos régions, de Bretagne, de Vendée, de Poitou-Charentes. J'ai relevé la haute technicité de ce musicien à l'accordéon, parce que c'est un instrument qui est très difficile à manier et à maîtriser, d'autant plus. Donc voilà, c'est intéressant, voilà, parce que tu parlais tout à l'heure d'élargir le champ des possibles un petit peu finalement, et puis on élargit aussi notre auditoire, parce que le Facebook de Boum Boumo vient d'exploser de messages de remerciement de l'EHPAD de Saint-Joseph notamment, oui, qui est ravi du tournant que prend l'émission, donc voilà, on est très plaisir de faire plaisir à nos chères têtes blanches de France. J'ai utilisé le même mot à l'encontre de Jonas tout à l'heure, et je vais te dire pareil, Yanis, gros bâtard. Voilà, désolé pour nos auditeurs. Non, j'ai adoré le premier morceau. J'ai adoré le premier morceau avec la harpe et la voix. Oui, c'est très beau. Ouais. Voilà, Anne-Christ. On peut discuter. C'était très joli. On peut discuter que si vous êtes d'accord avec moi, en fait. Comme sur les réseaux sociaux, on peut discuter, mais au bout de 10 secondes, on s'insulte. On n'a jamais dit que Boum Boumo était une démocratie. Donc le premier track, c'était Anne-Christ par la rue Haute d'abord. Après, il y avait un morceau breton, Gwerz d'Oïna. Et là, on vient d'écouter donc les Ajassons. On était rendu plutôt du côté de Vendée, 22h49. Il nous reste 11 minutes d'émission. On va parler un peu de ma chaîne YouTube quand même. Est-ce que les gens oui. peuvent aller se coucher ou est-ce qu'il y a d'autres surprises pour c'est eux c'est bon. Non, non, tout le monde peut aller se coucher. Voilà. Et toi, Yanis, tu peux rentrer chez toi. C'est bon, parce qu'en tant qu'invité, il ne faut pas que tu sois là toute l'émission. Parlons un peu de ma chaîne YouTube. Allez, je fais de l'autopromo parce que j'en ai plus rien à foutre. Vous êtes monté de moi, je suis vexé. Je ne sais pas quoi faire pendant le confinement. Du coup, j'ai sorti des disques qui n'étaient pas encore uploadés sur YouTube, alors qu'à mon sens, ils méritaient de l'être. Et du coup, j'ai lancé une chaîne YouTube très modeste. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je suis hyper content. Exactement comme la démarche de défendre le patrimoine folklorique local. Je suis hyper content de défendre certains disques qui ne sont pas sur YouTube, alors que le fait d'être uploadé sur une plateforme comme ça, ça leur donne tout de suite un peu plus de visibilité. Et du coup, je vais jouer un de mes tracks préférés de ma chaîne YouTube. Là, on n'est plus du tout dans la musique folklorique. On est dans un espèce de je ne sais même pas comment définir ça, disco déviant, un peu une vibe 90, très baléarique. C'est-à-dire que c'est un morceau qu'on a envie d'écouter au lever du soleil. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Le gars s'appelle Christophe Deschamps, je crois que c'était un batteur pour plein d'artistes, notamment Jean-Jacques Goldman et compagnie. Toi qui es un grand fan de ce chanteur, Yanis, ça devrait te rappeler des choses. Christophe Deschamps, un track qu'on trouve parmi 70 autres à peu près sur la chaîne YouTube que j'ai lancée pendant le confinement. Ça s'appelle Love Solitaire, on reprendra la parole juste après pour conclure. On est sur Prune 92 FM et c'est la 7ème saison de Boom Bomo, musique française curieuse. C'est parti. Elle se désire, d'elle se ligne de basse. Christophe Deschamps, Love Solitaire à retrouver sur ma chaîne YouTube Aimé Jockey. Je dis ça en vous regardant, mais ça ne vous intéresse pas du tout de toute façon la musique, puisque vous êtes venu pour parler d'ordinateur. Non mais sans déconner, on peut diffuser de la musique dans cette émission. Sinon, on appelle l'émission, on change le nom, on change le concept et on parle que de réparation d'ordinateur. On a le droit de parler de toutes les discussions off qu'on aurait en antenne, y compris les tiennes du coup maintenant. Bah de quoi tu me... D'accord. Attends, qu'est-ce que c'est que cette menace? Non, pas ce soir particulièrement, qu'est-ce mais d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette menace? Ok. Bah vas-y, okay. Va plus loin. Je retiens, je suis relativement serein. Qu'est-ce que c'est ce règlement de compte? Donc les gens qui nous écoutent pensent qu'on fait que parler musique entre les morceaux. Bah moi, oui. Bon, allez, très bien. Continuons. En revanche, ils ont le droit de savoir que t'es venu là que parce que l'ordinateur de ta nana est cassé, en fait. Non. Jonas, plus bienvenue dans le quart d'heure règlement de compte. Voilà. Vous nous rejoignez sur le 92 FM. C'est très très dur ce soir. Si vous nous écoutez, évidemment, on rigole. On est tellement bien content sûr de se retrouver qu'on fait un c'est peu. La joie, l'effusion. On a l'impression d'être dans le blues du robot, quoi. Un peu de musique, beaucoup de merde de autour. Enfin, un gros bisou à Cristal et Greg Del Campo. Évidemment, c'est une blague. Le blues du robot, vous nous manquez. Prune, oui. Vous nous avez manqué toutes ces émissions, même yes. Si c'est un peu chiant de papoter avec le masque, mais on s'y fait et on oui. Espère que. Que la saison va bien se passer quand même. Mm-hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, la saison va bien se passer. Il y a plein d'invités. C'est ça que j'étais en train de faire sur mon téléphone. On a déjà booké toutes les émissions, tous les mercredis soirs jusqu'à la fin du mois de décembre. Oh. Et je suis même en train d'avancer sérieusement sur le mois de janvier. On va commencer jusqu'au 11 novembre, là, qui tombe un mercredi. Donc avec les 4 prochaines émissions, avec 4 purs DJ de Nantes. 4 purs DJ de Nantes qui ne sont jamais venus dans l'émission. Oh. Et oui, ah, au bout de 7 ans, il y en a encore. La semaine prochaine, on commencera avec Atemi. Allez. Chambé, du collectif Abstract, disquaire chez Wood Records, pur disquaire, pur DJ lui aussi. et puis ensuite, on dévoilera le programme au fur et à mesure. Mais vraiment, 4 super DJ et certains dont c'est absolument pas du tout l'esthétique de base de jouer des trucs français. Et ce qui est super cool, à force de faire cette émission et ces soirées Boom Boomo, c'est que ça leur donne quand même envie de venir s'y coller un peu. C'est et souvent de très bien. Carrément, c'est tout le temps très bien. Donc voilà, Atemi, la semaine prochaine, sera notre premier invité. On te fait un bisou, Atemi, si tu nous écoutes, t'as la pression, t'es le premier invité. Et puis après, on déroulera avec plein de super invités, nantais ou autres. On se quitte avec un dernier morceau. Il est déjà 22h56, sauf si vous aviez d'autres trucs à dire. Non, un téléphone portable cassé, de... peut-être, Yanis, ou une voiture à vendre, n'hésite pas. Hein. Non, je ferai mes affaires en dehors de l'émission. Attends, j'ai bien compris. Sean, désolé, je rigole, Yanis. J'espère que tu m'en veux pas vraiment. Non, mais dès que je rigole, je fais de la buée, c'est infernal. Ça aussi, les auditeurs ont le droit de savoir qu'avec ton masque et tes lunettes, c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est terrible. Jonas, nous on se retrouvera la semaine prochaine. Yes. Tu seras bien là. Yanis, du coup, Je passerai faire un coucou. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est très bien. Oublie pas le carnet de chèques. On écoute Patricia Clerget. un truc que j'ai chopé cet été en vide-grenier, des rares vide-greniers que j'ai fait. Les deux tracks sont bien. La face A, Shanghai. La face B, Féline. Je crois que c'est le Féline que je joue juste avant qu'on vous laisse avec la même émission que l'an dernier derrière nous, le dessous des radars, ils sont arrivés, ils sont bien là, en chair et en os. On était ravis de cette reprise sur Prune, oui. On se retrouve dès la semaine prochaine avec Atemi comme première invitée de notre 7e saison, Patricia Clerget, le morceau s'appelle Féline, pas de podcast avant quelques semaines, le temps que le site de Prune soit réparé. Bisous. Ciao les petits loups. Défense, défense, d'exciter ta violence, avance, attaque. corps est en transe.